Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 78. Des facultés de l'âme en particulier. Les facultés de notre âme sont au nombre de 5. Distinction des sens extérieurs et des sens intérieurs. 1. Faut-il distinguer dans l'âme 5 facultés? Les différentes facultés de l'âme s'établissent d'après leurs objets. Elles sont au nombre de 5 principales, la faculté végétative, la sensibilité ou sensualité, l'appétit, la faculté motrice, l'intelligence. La faculté végétative a pour objet le corps seul uni à l'âme, la sensibilité, tout corps visible, l'appétit, tout être, quel qu'il soit, la faculté motrice, un être extérieur, l'intelligence, l'objet le plus universel, l'être sans exception. De ces 5 facultés, 3 sont parfois appelées âmes. On distingue ces âmes d'après les opérations qui dépassent la nature physique. L'âme raisonnable n'a pas besoin des organes du corps pour ses fonctions. L'âme sensitive requiert l'exercice des sens. L'âme végétative agit en vertu même de la qualité corporelle. 4 des mêmes facultés sont nommées modes de vie. Les modes de vie se distinguent par les divers degrés des êtres vivants. Les plantes n'ont que le mode végétatif. Les animaux immobiles, comme les huîtres, ont le mode sensitif. Les animaux parfaits ont la faculté motrice. Les hommes ont le mode intellectif qui surpasse infiniment tous les autres. 2. La faculté végétative, qui a le corps pour objet, prend le nom de générative, d'augmentative ou de nutritive, selon qu'elle pourvoit à la génération, à l'accroissement ou à la conservation des corps. 3. Y a-t-il 5 sens extérieurs? Il y a, dit le philosophe, 5 sens. Ni plus, ni moins, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le tact. Les sens sont des facultés passives propres à être modifiées par les objets extérieurs, mais il y a 2 sortes de modifications, l'une physique, l'autre spirituelle. Et c'est de la diversité des perceptions des sens que se prend la raison de leur nombre et de leur distinction. Dans la modification physique, la forme de l'être qui l'a produit est reçue naturellement et physiquement par l'être qui l'a subi, dans l'autre, elle n'est reçue que spirituellement. La modification purement spirituelle n'a lieu que dans quelques sens, par exemple, dans la vue. Aussi la vue est-elle le plus spirituel, le plus étendu et le plus parfait de tous nos sens. Après elle vient l'ouïe, puis l'odorat, dans lesquels, avec la modification spirituelle, se trouve aussi la modification corporelle. Les sens les plus matériels sont le tact et le goût, car la main qui touche un objet chaud est elle-même échauffée, et notre langue s'humecte de l'humidité des aliments. Toutefois, pour que les sens entrent en exercice, il ne suffit à aucun d'eux d'une modification physique, il leur faut une modification spirituelle et intime, car si la sensation résultait de la seule modification corporelle, tous les corps seraient doués de la sensibilité. 4. Est-il rationnel de distinguer des sens intérieurs? Il est rationnel de distinguer, dans l'âme sensitive, 4 facultés intérieures qui sont, le sens commun, l'imagination, le jugement et la mémoire. Le sens commun reçoit toutes les sensations, qui viennent se réunir en lui comme dans un centre, il les compare, et distingue par ce moyen les diverses propriétés des corps. Il perçoit en outre les opérations des sens extérieurs et prend connaissance de leurs actes, par exemple, quand quelqu'un perçoit sa propre vision. L'imagination retient et conserve les formes reçues par les sens, elle en est comme le trésor. Le jugement, combinant et développant ses premières notions, apprécie les qualités cachées des objets, ce qui est utile ou nuisible, ce qu'il faut rechercher ou éviter. Si la brebis prend la fuite à l'aspect du loup, ce n'est pas que le loup est pour elle quelque chose de repoussant, mais c'est qu'elle reconnaît en lui son ennemi naturel. Le jugement, qui chez l'animal n'est que l'instinct, est chez l'homme une sorte de raison inférieure. La mémoire est pour le jugement ce que l'imagination est pour les sens extérieurs, elle conserve les appréciations qui la formaient. Note. La mémoire reproduit ses appréciations, tantôt spontanément comme chez l'animal, tantôt par l'effort de la réflexion comme chez l'homme. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.